إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 25 dans l'explication de Kitab al-Usul al-Thalatha. Et on est arrivé à l'énumération des différentes adorations par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et comme on l'a expliqué au dernier cours, dans l'introduction, on disait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc il nous a créé ainsi que les djinns uniquement pour qu'on l'adore. Et pour l'adorer, bien entendu, il faut savoir premièrement qu'est-ce que c'est l'adoration. Ma huwa al-ibada. Donc, l'ibada, on a expliqué que c'est toute action ou parole que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les paroles et les actions qui sont intérieures ou extérieures. Maintenant, parmi les différentes formes d'adoration, on a mentionné al-du'a, on a mentionné al-khawf, on a mentionné al-raja, on a mentionné al-khashya et yani al-khushu', on a mentionné al-rahba et on a mentionné yani plusieurs différentes formes d'adoration. Maintenant, on va continuer donc dans cette suite avec les preuves de chacune d'entre ces différentes formes d'adoration pour comprendre qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Donc, le cheikh, il parle maintenant d'une forme d'adoration qui est très importante, c'est al-inaba. Al-inabatu wa daliluha. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Donc, al-inaba, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir. Hein? Et on emploie aussi le terme tawba, hein? Qui est une autre forme d'adoration aussi, at-tawba et al-inaba. At-tawba, c'est la repentance aussi, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis un péché ou une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, avec remords, et en cessant de commettre le péché et en ayant la ferme résolution de ne plus y revenir. Donc ça, c'est les conditions de la repentance. Et al-inaba, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que parmi les preuves au sujet de al-inaba, il y a le verset 54 dans sourate Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et revenez à votre Seigneur en repentance et soumettez-vous à lui. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Donc al-inaba, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: al-inabatu ar-ruju' wa hiya bi ma'na at-tawbah. والتوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة، أي آكد، لأنها توبة مع إقبال إلى الله عز وجل، أي توبة خاصة. والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف. أما الإنابة فهي إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Donc le cheikh il explique que al-inaba ça signifie le fait de revenir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la repentance, al-inaba, ça c'est le fait de revenir. Et c'est dans le même sens que at-tawba. Donc il dit que le terme tawba et le terme inaba ont la même signification. At-tawba wa al-inaba ont la même signification, sauf que certains ulama ont mentionné que al-inaba c'est une sorte de repentance qui est plus particulière que la tawba. Al-inaba, c'est lorsque tu te retournes, hein, tu retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu retournes en te dirigeant complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala avec plus de dévotion que qu'est-ce que tu avais auparavant. D'accord? Donc c'est ça la différence entre at-tawba. Peut-être que quelqu'un il fait un péché et puis il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il reste au même niveau que ce qu'il faisait auparavant. Tandis que al-inaba, quelqu'un quand il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, yunib, eh bien dans ce sens-là, c'est qu'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il revient plus fort, hein, avec plus de dévotion que qu'est-ce qu'il était auparavant. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-inaba. Hein, donc c'est une repentance, c'est une tawba, mais une tawba qui est khassa, qui est particulière. Et donc l'être humain, l'individu peut se repentir et abandonner un péché, puis il ne revient plus à ce péché-là, il ressent le remords de l'avoir fait, mais il revient à Allah subhanahu wa ta'ala avec une dévotion qui est faible parfois, tandis que parfois il revient à Allah subhanahu wa ta'ala avec une dévotion qui est plus forte. Donc c'est ça qu'est-ce que certains savants ont mentionné. Et al-inaba, donc comme on a dit, c'est de revenir vers Allah et de se tourner complètement, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, c'est-à-dire et revenez à votre Seigneur en repentance et soumettez-vous à lui, c'est-à-dire revenez vers lui et tournez-vous vers lui en dévotion, en adoration. Et il dit dans la suite du verset, le verset 54, min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun, c'est-à-dire repentez-vous à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment, avant que vous vienne le châtiment, puis que vous ne soyez pas secourus. Hein? Donc le cheikh il explique ça, il dit: إذا جاء العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. هذا استثناء، هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة، ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Donc le cheikh il explique que lorsque le châtiment il descend et il tombe, et que c'est un châtiment qui fait périr les hommes, qui les rase complètement, la repentance ne peut pas être acceptée à ce moment-là, lorsque ce châtiment-là tombe sur les hommes. Allah n'acceptera pas la repentance de ces gens-là, même s'ils se repentent, excepté le peuple de Younus. On les a, hein, délivrés du châtiment de l'humiliation. Donc le cheikh il mentionne ce verset qui est le verset 98 dans Sourate Younus, hein, qui mentionne que ça c'est une exception parmi les différents peuples. Sinon, lorsque le châtiment qui descend sur les hommes et qui fait périr tout le monde descend, eh bien, Allah n'accepte pas la repentance à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il dit وَلِهَذَا قَالْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Repentez-vous avant que vous vienne le châtiment et puis que vous ne soyez pas secourus à ce moment-là. فَالتَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ لَهُمَا أَجَلْ وَلَهُمَا حَدٌّ فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَةً فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَةً مِنْ غَرْغَرَ أو من حضره الموت ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة. لا تقبل التوبة حينئذ. فالله يحث العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون. Donc le cheikh il explique que at-tawba, la repentance, et al-inaba, ils ont une limite. La repentance, elle a une limite. La limite, le cheikh il dit, c'est-à-dire que Allah va pas accepter la repentance de quelqu'un au moment où il est en train de rendre l'âme. Hein? Et en arabe, on dit al-gharghara. Al-gharghara, c'est le bruit que fait la personne lorsque l'âme est en train de sortir au niveau de sa clavicule, lorsque les anges de la mort viennent retirer son âme. Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-gharghara. À partir de ce moment-là, lorsque la mort arrive, Allah n'accepte plus la repentance de quelqu'un. C'est fini. Il n'y a plus de la porte de la repentance, elle se ferme à ce moment-là. Et il dit également qu'il n'y a pas de repentance qui peut être acceptée également lorsque descend le châtiment qui fait périr tout le monde et qui rase tout, hein, et qui détruit tout. De même que la repentance n'est pas acceptée lorsque, au jour de la résurrection, lorsque, à l'heure du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va faire lever le soleil va faire lever le soleil de son couchant. C'est-à-dire, le soleil va se lever à l'ouest. À partir de ce moment-là, Allah n'acceptera plus la repentance de quiconque. Hein? Parce que ce signe-là, c'est un grand signe. Et personne ne peut nier à partir de ce moment-là. Donc, la repentance ne sera pas acceptée. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il incite son serviteur à se repentir, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à demander pardon pour ses péchés avant que sa vie arrive à sa fin. Chacun d'entre nous, on a l'obligation de se repentir de ses péchés. Pas d'un seul péché, mais de tous les péchés qu'on fait. C'est un devoir, c'est une obligation et c'est une ibadah. Des fois, on a l'impression parfois, et peut-être que c'est le shaitan qui vient nous mettre ça dans l'esprit, que quand on se repent, c'est comme s'il y en a certains qui pensent qu'ils sont en train de faire une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tawba, c'est pas une faveur que tu fais à Allah, c'est une obligation que tu as à faire. Et si tu te repens à Allah, c'est pour toi-même, c'est pour ton bien. Hein? De la même manière que si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais pas du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu fais du tort à toi-même. C'est comme parfois les koufars, ils voient des musulmans qui pratiquent la religion, ou bien même parfois des musulmans qui font pas attention à leur religion, ils voient des musulmans qui pratiquent leur religion, pour les provoquer, ils font exprès de faire des péchés devant eux pour les mettre en colère ou bien pour les provoquer. Comme si ça c'était un mal qu'ils faisaient à la personne, ou bien comme s'ils étaient en train de faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est à eux-mêmes qu'ils sont en train de se faire du tort. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit, repentez-vous avant, hein, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et repentez-vous avant que vienne le châtiment, puis que vous ne soyez pas secourus. Ensuite il dit, wa shahidu qawluhu wa anibu ila rabbikum. Dalla ala anna al-inabata naw'un min anwa' al-ibadah. لأنه قال إلى ربكم فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. Donc, qu'est-ce qu'on veut mentionner dans ce verset-là? C'est quoi le point important qu'on essaie de prouver en mentionnant ce verset? C'est revenez repentant vers votre Seigneur. Ça, c'est la preuve que Al-Inaba, c'est une sorte parmi les différentes sortes d'adoration, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit vers votre Seigneur. Repentez-vous et revenez vers votre Seigneur. Donc, ça, c'est la preuve que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, et donc c'est une forme parmi les formes d'adoration. Maintenant, on passe à une autre adoration que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné, c'est Al-Isti'ana. Wa dalilouha. دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. C'est-à-dire الاستعانة ça veut dire طلب العون comme le Cheikh il va l'expliquer. الاستعانة c'est-à-dire demander l'aide, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Et la preuve que c'est une adoration, c'est dans Sourate Al-Fatiha, on la récite dans chaque rak'a, hein, on dit « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in ». C'est à toi seul, hein, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est un hadith connu, إذا استعنت فاستعن بالله. Hein? Si tu as demandé l'aide de quelqu'un, demande l'aide d'Allah. Si tu as demandé de l'aide de quelqu'un, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset et ce hadith. Il dit Al-isti'anatu talabul aoun. Talabul aoun wa hiya ala naw'ayn. النوع الأول الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذه صرفها لغير الله الشرك من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله والنوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق فأنت تستعين بأحد بأن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب مباح كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالاستعانة في الأمور العادية التي لا يقدر عليها الناس هذا النوع لا بأس فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Donc on va traduire cette partie là comme on a dit al-isti'ana, ça veut dire طلب العون. Et on a déjà expliqué ça dans d'autres cours, mais bon, il n'y a pas de mal de le répéter encore. C'est que si vous allez étudier as-sarf dans l'arabe, vous allez savoir que dans la langue arabe, pour chaque utilisation de certains mots, il y a des familles, hein, de formes qu'on emploie pour dire certaines choses. Et c'est pour les verbes et pour les noms aussi. Et dans les catégories de verbes, il y a une forme qu'on appelle استفعال. Et tous les verbes qui rentrent dans la forme استفعال vont avoir la signification de demander ou de rechercher telle ou telle chose. Et dans le cas de العون qui signifie l'aide, si tu le mets sous la forme de استفعال, ça devient استعانة. Hein? Et الاستعانة ça veut dire donc de demander l'aide. Hein? Et donc isti'ana, on va voir tout à l'heure al-istighatha, on va voir également peut-être que on aura peut-être une autre occasion de voir al-istiqama ou bien d'autres mots ou d'autres formes dans différentes formes comme ça. Ça veut toujours dire de rechercher, hein, de demander ou de rechercher cette chose-là. Et donc al-aun ici c'est talabul al-aun, al-istighatha c'est talabul ghawth. Hein? Donc on va le voir. Et donc ça veut dire de chercher l'aide ou de demander de l'aide. Et il est divisé en deux catégories. Barakallahu fik. La première catégorie, c'est qu'est-ce qui est shirk. Et la deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui rentre dans qu'est-ce qui est permis et qui n'est pas shirk. Donc la première catégorie, c'est an-na'ul awwal. C'est le fait de demander de l'aide, mais tu demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire. Quand tu demandes à quelqu'un ou à une chose, quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de le faire, tu le demandes à une créature au lieu de le demander au créateur, là dans ce cas-là, tu as commis un acte de shirk. Comme par exemple, tu demandes le pardon à une créature. Ou tu demandes à une créature, par exemple, de te guérir d'une maladie. Tu l'invoques, hein, ou tu l'appelles. Ou quelqu'un qui est à une distance, qui ne peut pas t'entendre, qui ne peut pas te voir. Ou quelqu'un qui est mort, et tu lui demandes de venir à ton secours. Hein? Alors ça, c'est du shirk. Quelqu'un est en train de t'attaquer. Ou bien un animal sauvage qui est en train de sauter sur toi. Et toi, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de l'aide, parce qu'il n'y a personne autour, tu demandes à un saint. Tu demandes à un ange. Tu demandes à un djinn. Tu demandes à une créature quelconque. Ça, c'est du shirk. Parce que ça, c'est de demander à quelque chose, demander à autre que Allah ce que seul Allah est capable de faire. Et tu demandes à des êtres qui sont absents, hein, qui sont morts ou qui sont absents, qui ne peuvent rien faire pour toi. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et yani, dans ce cas-là, ça devient du shirk. Donc, d'offrir cette forme d'adoration à autre que Allah, c'est du shirk. De demander de l'aide à Allah. Tu demandes à une créature de l'aide que seul. Tu demandes à autre que Allah, parmi les différentes créatures, qu'il t'aide dans quelque chose que seul Allah est capable de faire. Alors, tu as commis le shirk parce que tu as offert à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. La deuxième catégorie, l'isti'ana, c'est l'isti'ana dans quelque chose que la créature elle est capable de faire. Et dans ce cas-là, ça c'est pas shirk. Ça c'est permis de le faire. Hein? C'est permis de le faire. Donc, quand tu vas demander à quelqu'un de t'aider à construire un mur, hein? Ou bien de réparer quelque chose, ou bien de soulever des sacs ou des choses que tu avais besoin de soulever, ou bien tu as besoin de faire quelque chose, hein? T'as besoin d'aide. À l'école ou dans d'autres domaines, si tu demandes à quelqu'un de te donner un coup de main, eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est pas du shirk. Ça, c'est pas du shirk, ça, c'est permis, c'est mubah. Tant que la chose que la personne te demande, dans laquelle il te demande de l'aider, c'est quelque chose qui est halal, c'est quelque chose qui est permis en islam, et c'est quelque chose qui est faisable, qu'un être humain est capable de faire, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas shirk. Hein, et c'est permis de le demander. Et le cheikh il dit, la preuve de ça, c'est le verset 2 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Et ici le verbe ta'awanu, ça vient aussi de al-'aun. Al-'aun, ça veut dire l'aide. Hein? Et al-ta'awun, c'est une autre forme du verbe, c'est une autre forme du verbe, quand tu le mets à la forme de al-mufa'ala, ça veut dire qu'il y a al-ishtirak, il y a la participation, hein, mutuelle des deux et la collaboration là-dedans. Donc al-mu'awana, yani ta'awun, parce qu'il y a l'aide dedans. Donc c'est al-mufa'ala. Et donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à nous aider les uns les autres. Hein? À nous aider les uns les autres. Wa ta'awanu, hein? De nous entraider et de collaborer, mais pas dans n'importe quoi, dans le bien et dans la crainte d'Allah, taqwa et dans le bien. Et de ne pas nous entraider dans le péché et dans la transgression des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve que dans les questions des choses ordinaires, des choses de la dunya, des choses que les êtres humains sont capables de faire et qui rentrent dans qu'est-ce qui est halal, eh bien c'est quelque chose de permis et ça rentre pas dans le shirk. Parce que des fois vous allez trouver, pourquoi on fait cette distinction, parce que vous allez trouver des gens de bid'ah à notre époque et des mushrikines qui adorent les saints, qui adorent les tombes, et qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont dire ah regardez c'est wahhabi, les gens qui interdisent, hein, de demander aux saints et aux hommes pieux et aux prophètes, ils pensent que de demander quelque chose c'est du shirk. Alors ils prennent cet exemple de façon générale et ils disent, hein, regardez, dans ce cas-là, tu ne peux pas demander à ton ami de te venir en aide. Si tu le vois dans la rue, tu lui demandes quelque chose, les wahhabis, ils vont dire que c'est du shirk. On dit non, ça c'est pas du shirk. Parce que tu demandes à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, qui est capable de t'aider, de faire quelque chose qui est permis et qui est possible pour une créature de faire. Donc ça c'est pas du shirk. Mais si tu demandes à quelqu'un qui est, toi tu es au Canada, hein, puis par exemple, tu as besoin de quelque chose, tu demandes à quelqu'un qui est en Chine ou en Afrique, un cheikh soufi ou quelque chose comme ça, tu lui demandes de t'aider et il ne peut pas t'entendre, ou bien il est mort, il ne peut pas t'entendre, alors ça rentre dans le shirk. Hein? C'est pas la même chose. Mais eux, ils font pas de distinction entre les deux parce qu'ils veulent faire une shubha pour les gens, pour les amener vers le shirk. Hein? Donc ils prennent des gens pour des idiots avec des choubouhats pareils pour les égarer du droit chemin, puis leur faire comprendre que nous, qu'est-ce qu'on est? On est des extrémistes pour eux. Hein? Parce qu'on interdit de demander de l'aide. Non, on n'interdit pas de demander de l'aide. Mais il faut faire la distinction entre ce que la créature est capable de faire et ce que la créature n'est pas capable de faire. Comme tu veux demander le pardon, même si tu demandes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas te pardonner. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de te pardonner. Tu demandes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à un autre prophète de te faire rentrer au paradis. Il n'a pas le pouvoir de te faire rentrer au paradis. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de te faire rentrer au paradis. Donc si tu demandes ces choses-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à un wali ou à un cheikh ou à un imam, eh bien, ça rend dans le shirk, billah. Comme les chrétiens qui demandent à Isa ibn Maryam de les faire rentrer au paradis, de les sauver de l'enfer, de leur pardonner leurs péchés, tout ça c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Mais parmi les gens qui se disent musulmans, il y a des gens qui vont faire ça aujourd'hui, hein, avec les awliya, avec les qubur, et ils prétendent qu'ils sont musulmans. Hein. Donc ça c'est des exemples. Donc le cheikh dit falisti'ana tu في الأمور العادية التي لا يقدر عليها الناس فهذا النوع لا بأس فيه فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس فهذا النوع لا بأس فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Donc de demander de l'aide dans les choses ordinaires que les gens sont capables de faire, ça c'est, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de s'entraider dans la piété et dans le bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, que Allah subhanahu wa ta'ala continue à aider le serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide à son serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Hein, mashallah. Donc, c'est pour nous encourager à aider les autres dans qu'est-ce qu'on est capable de faire. Amma al-isti'anatu bil makhluq fi shay'in la yaqdiru alayhi illa Allah, مثل جلب الرزق ودفع الضرر فهذا لا يكون إلا لله كالاستعانة بالأموات والاستعانة بالجن والشياطين والاستعانة بالغائبين وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم فهذا شرك أكبر لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. Donc le cheikh dit que tu cherches l'aide d'une créature dans ce qu'il n'est pas capable de faire excepté Allah, comme de chercher le risque, tu lui demandes de te donner le risque ou de repousser un mal quelconque, ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de faire ça. Ou bien de chercher l'aide d'un mort, ou de chercher l'aide d'un djinn ou des shayatines, ou de chercher l'aide de quelqu'un qui est absent, qui n'est pas présent, tout ça c'est des exemples, hein. Tu appelles leur nom, ils ne peuvent même pas t'entendre, ça c'est du shirk akbar. Parce que tu demandes l'aide de ce que quelqu'un n'est pas capable de faire et quelqu'un qui n'est pas capable de te venir en aide. فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا فيه تقديم المعمول على العامل والمعمول إياك في محل نصب وإياك هذا هو العامل الذي الذي نصب إياك. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، فحصر العبادة في الله فحصر العبادة في الله عز وجل. وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله، وذلك في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله ولا يقدر إلا بالله، وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة، فهذا غاية التعبد. Donc le Cheikh il explique ici, il dit la signifie, donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Fatiha Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, c'est une formule comme on l'a dit au dernier cours dans laquelle il y a une inversion. Il y a une inversion des termes, des mots employés, dans le sens que on dit c'est toi seul que nous adorons. Et dans le fait de mettre la phrase, de formuler la phrase de cette manière, ça donne la signification qu'il y a une exclusivité de l'adoration à Allah seul. C'est pas comme si on avait dit na'buduk. Si on dit na'buduk, ça veut dire on t'adore toi, hein, on t'adore, nous t'adorons. Na'buduk, ça veut dire nous t'adorons. Hein? Sauf qu'il n'y a pas le même sens de l'exclusivité dans l'adoration quand on le dit de cette façon-là. Tandis que si on mentionne, on dit c'est toi que nous adorons, ça veut dire c'est toi seul et rien d'autre. Et c'est pour ça que, hein, comme on a dit pour At-Tawakkul, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. On n'a pas dit mettez votre confiance en Allah. On dit, c'est Allah, et en Allah, mettez votre confiance. Ça donne la signification que c'est en Allah seul qu'il faut mettre la confiance. Ça vient rendre la phrase ou la signification exclusivement pour Allah seul. Donc c'est pour dire que l'adoration, elle doit être seulement pour Allah, limitée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et à rien d'autre. Wa iyyaka nasta'in, c'est de limiter le fait de chercher l'aide en Allah seul. Hein? Et ça, c'est en particulier dans les choses que seul Allah est capable de faire. D'accord? Et il dit, wa qawluhu, wa fi qawlihi, wa iyyaka nasta'in. Donc, quand on dit iyyaka nasta'in, ça signifie également qu'on se désavoue, hein, de la force et du changement et de la force. Et qu'on est conscient que l'homme, il n'a pas de force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas de pouvoir excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque tu comprends ça, c'est comme si tu es arrivé à la limite de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, à l'objectif du désaveu, de toute forme de shirk. Que tu te désavoues de du mouvement et de la force. Et ça, c'est la limite et l'objectif de ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une autre adoration qui est mentionnée, c'est al-isti'adatu. Al-isti'adha, qui est aussi sous la forme de istif'al, hein, comme on a dit pour al-isti'ana. Donc, c'est, comme le Cheikh Al-Fawzan il le dit, talabu l'iltija. Donc il dit, hein, des fois on dit wal'iyadu billah, hein, wal'iyadu billah, la même chose, wal'isti'ad, nasta'idu billah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La preuve que al-isti'ada c'est une adoration, le Cheikh il dit wa dalilu al-isti'ada qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Et il y a aussi l'autre verset qul a'udhu bi rabbin nas. Hein, qui sont al-mu'awwadhatan, on les appelle al-mu'awwadhatan. Al-mu'awwadh, ça veut dire la chose à laquelle par laquelle tu vas demander le refuge ou demander la protection. Hein? Et donc, al-isti'adha, c'est ça, c'est de demander le refuge et l'aide. La protection, pardon. Le refuge et la protection. Donc, al-isti'adha, hein, c'est talabul iltija. Talabul iltija. Al-iltija, c'est le refuge. Yaltaji'u. Iltaja'a, yaltaji'u. Iltija'an. Et tu vois que al-iltija, yani, par exemple, quand quelqu'un est un réfugié politique, en arabe on dit, il a demandé l'asile politique. Al-Lujou al-Siyasi. Al-Lujou al-Siyasi, c'est la même chose. Al-Iltija. Donc, c'est ça al-Isti'adha. Talabu al-Iltija. Ila man yamna'uka min mahzourin makhafatan min ajli. أن يدفع عنك هذا الشيء هذه هي الاستعاذة. Donc الاستعاذة c'est de demander le refuge, hein, vers celui qui va te protéger d'un mal que tu crains, hein, من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء, dans le but qu'il repousse ce mal de toi et qu'il t'en protège. C'est ça الاستعاذة. C'est ça le fait de chercher le refuge. Le Cheikh il dit al-isti'adha naw'un min anwa' al-ibada. La yajuzu an tasta'idha bi ghayri Allah 'azza wa jall, faman ista'adha bi ghayri bi qabrin aw bi watanin aw bi shay'in ghayra Allah 'azza wa jall fa innahu yakunu mushrikan ash-shirk al-akbar. Qala ta'ala وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي أي كبير الجن ويستعيذ به من شر سفهاء قومه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Donc le cheikh il explique que al-isti'adha ça fait partie de des différentes sortes d'adoration, qu'il n'est pas permis de chercher le refuge en autre que Allah, soit que ce soit en une tombe, hein, il y en a qui vont chercher le refuge en une tombe, la tombe d'un saint ou de quelque chose comme ça, ils vont demander le refuge en cette tombe, ou bien une idole, hein, ça tu le retrouves chez les koufars et les mushrikines, ou bien de demander le refuge en un objet, une croix ou quelque chose comme ça, hein. Il y en a qui le font. Ou bien, il y en a qui vont peut-être demander le refuge, chercher le refuge en un prophète. Tout ça, ça rentre dans le shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Hein. Et des fois, vous allez voir que les koufars et les mushrikines, même les chrétiens par exemple, qui, lorsqu'il y a des possession, des gens qui sont possédés par des shayatines ou des choses comme ça, ils vont chercher protection, au lieu de chercher protection en Allah seul, ils vont chercher protection en Isa ibn Maryam, ou bien en quelque chose de ce genre, la croix ou des choses de ce genre. Et parfois, ils pensent qu'ils ont réussi à faire sortir le shaytan d'une personne, en demandant par le nom d'un prophète, ou bien par Isa, ou bien par la croix, ou des choses comme ça. En réalité, c'est le shaitan qui se moque d'eux et qui leur joue des tours pour les enfoncer encore plus dans leur shirk. Donc, ils viennent posséder une personne, eux, ils arrivent avec la croix pour faire sortir le shaitan de cette personne. Et le shaitan, quand il voit que ces gens-là, ils ont cru en leur shirk, et qu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont satisfaits de ça, donc de demander à autre que Allah pour la protection, ça rentre dans le shirk akbar. Et il mentionne le verset 6 dans surat al-jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la parole des djinns, qui disait « Les hommes parmi les humains, ils cherchaient refuge en les hommes parmi les djinns. » Bon, si on veut, on va dire comme ça. « Fazaduhum rahaqa » Et ça les augmentait encore plus en transgression et en, en arrogance contre les hommes. Que les djinns, les djinns, ils voient que les hommes leur cherchent refuge en eux. Ça les augmente encore plus en transgression contre les hommes par la suite. Et le cheikh, il dit, c'est l'exemple que à l'époque des Arabes dans la Jahiliya, avant l'islam, lorsque quelqu'un descendait quelque part dans une vallée, il cherchait le refuge en le chef de cette vallée. Il disait, « A'ouzou bi sayyidi hadha al-wadi » Je cherche le refuge en le maître de cette vallée. Parce qu'ils arrivaient là-bas, bon, ils pensaient que c'est les djinns qui contrôlent cette vallée. Donc, ils ne veulent pas se faire attaquer par le djinn. Ils demandent protection au djinn, le chef du djinn. Donc, ils disaient quoi? Je demande la protection au chef de cette vallée parmi les djinns, c'est-à-dire le plus grand d'entre eux. Ils demandent protection contre le mal des faibles d'esprit de son peuple. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, a enseigné aux sahaba un dua à dire pour annuler cette attitude ou cette pratique ou cette coutume de la jahiliya. Il a dit, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله من نزل منزلا. Donc il a dit, au lieu de dire cette parole de shirk, de chercher le refuge en le chef ou le maître de cette vallée, on dit, au lieu de dire ça, on dit ce qui est légiféré, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre vous descend dans une vallée ou s'arrête durant la nuit ou quelque part dans une vallée pour camper, alors qu'il dise, je cherche le refuge en les paroles complètes d'Allah contre le mal qu'il a créé. Je cherche le refuge entre les paroles complètes d'Allah. Je cherche le refuge en les paroles complètes d'Allah contre le mal qu'il a créé. Ou contre le mal de ce qu'il a créé. Et celui qui dit cette parole, aucun mal ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit où il s'est arrêté. Celui qui dit cette parole, aucun mal ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit dans laquelle il s'est arrêté. Et ça, c'est rapporté par Muslim. C'est un hadith rapporté selon Khawla bint Hukaym al-Salima. Et le cheikh dit ensuite, « وَهَذَا الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ هَذَا هُوَ الْبَدِيلُ الصَّحِيحُ pardon, الْاِسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَّاتِ بَدَلًا مِنَ الْاِسْتِعَاذَةِ بِالْجِنِّ قال تعالى قل أعوذ برب الفلق الفلق هو الصبح ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فالق الإصباح أي مظهر نور الصباح في ظلام الليل من الذي يقدر على هذا إلا الله أعوذ برب الفلق أي أعوذ برب الصبح إذا أصبح أي رب الصبح إذا أصبح المالك المتصرف فيه القادر عليه من شر ما خلق هذا يشمل شر جميع المخلوقات يستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات هذا يكفيك من كل استعاذة أو تعوذ مما يفعله الناس. Donc le cheikh il dit ça c'est l'alternative qui est authentique et qui est bonne. Lorsque tu veux chercher le refuge, tu dis je cherche le refuge en les paroles complètes d'Allah au lieu de chercher le refuge en les djinns, en les djinns ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ dit je cherche le refuge en Allah. Je cherche le refuge en le Seigneur de l'aube naissante. Je cherche le refuge en le Seigneur de l'aube naissante. Donc, Al-Falaq, hein, parce que dans un dars que j'avais donné, je m'étais trompé dans la, j'ai fait une faute d'inattention, j'ai dit quelque chose incorrect, je pense que c'était dans le cours 6, dans le charh de al-usul al-thalatha du Cheikh Ibn Baz que j'avais fait. Donc il y a des frères qui m'ont envoyé qui m'ont fait la remarque que j'avais mal traduit le verset. J'avais dit, je cherche le refuge en Allah contre le Seigneur de l'aube naissante. C'est ça que j'avais dit. Donc c'était une faute d'inattention et donc je l'ai corrigé. C'est, je cherche refuge en le Seigneur de l'aube naissante. C'est ça la bonne traduction. Al-Falaq, ça veut dire l'aube. Al-Falaq, ça veut dire l'aube. Wa Rabbul Falaq, le Seigneur de l'aube, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Falaq, c'est l'aube lorsqu'elle naît, lorsqu'elle commence à apparaître. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 96, dans surat Al-An'am, Faliqul Isbah. Faliqul Isbah, c'est-à-dire celui qui fait paraître la lumière de l'aube dans les ténèbres de la nuit. Et qui est capable de faire cela excepté Allah subhanahu wa ta'ala? Personne n'est capable de faire ça excepté Allah. A'udhu bi rabbil falaq, ay rabbis subhi idha asbah. Donc, je cherche refuge en le Seigneur de l'aube naissante, c'est-à-dire le Seigneur de l'aube naissante lorsqu'elle apparaît, lorsqu'elle naît. Et c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de toutes choses, celui qui a le pouvoir sur toutes choses et qui a la capacité de faire tout. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Et ça comprend le mal de toutes les créatures. Ça comprend le mal qui apparaît dans toutes les créatures. Donc tu cherches refuge en Allah contre le mal de toutes les créatures. Et ça te suffit comme quête de refuge ou comme demande de protection, contrairement à ce que font les gens parfois. Si tu vois, tu vas aller dans des endroits où les gens pratiquent la magie ou la sorcellerie, où les gens font du voodoo ou bien ils font du sihr de toutes sortes, t'as pas besoin de faire des incantations, de chercher refuge dans les djinns, de faire du sihr toi aussi pour te sauver du sihr, ou de faire du sihr pour te protéger du ayn. Non, tu te protèges de ça par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en demandant le refuge en Allah, tu vas dire قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. فَالِقُ الْإِسْبَحِ, celui qui fait jaillir l'aube, la lumière de l'aube. Muzhiru, il dit le cheikh, فَالِقُ الْإِسْبَحِ مُزْهِرُ نُورَ الصُّبْحِ. مُزْهِرُ نُورَ الصُّبْحِ, celui qui fait paraître la lumière de l'aube dans les ténèbres de la nuit. Donc, ça c'est pour ce verset-là. Après, l'autre sourate, l'autre verset après, مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. الغاسق هو ظلام الليل لأن ظلام الليل تخرج فيه الوحوش والسباع فأنت تقع في خطر فتستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات. Donc, من شر غاسق إذا وقب. Également, tu cherches refuge en Allah, le Seigneur, contre l'obscurité de la nuit, lorsqu'elle avance. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ghasiq. Al-ghasiq, c'est la noirceur, la ténèbre de la nuit. Et pourquoi? Parce que dans la nuit, c'est là que les bêtes sauvages et les animaux de proie, ils sortent parfois. Hein? Et donc, toi, tu cherches protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les dangers qui viennent avec le mal qui est dans cette obscurité-là et dans cette nuit-là. Hein? Et souvent, c'est dans la nuit que les gens font le mal et qu'ils en profitent pour faire le mal. Hein? Ça, c'est une réalité même encore aujourd'hui. Même dans les endroits où il y a la lumière la nuit, électrique, dans les rues, eh ben, les gens ils sortent plus pour faire le mal, plus la nuit que le jour. Hein? Le jour, ils se cachent. La nuit, ils sortent. Les shayatin al-ins et les shayatin al-jin, ils apparaissent plus la nuit. Hein? Après, le cheikh, il dit, donc toi, tu demandes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de cette obscurité-là, et qu'est-ce qu'il y a dedans comme choses qui peuvent te faire du tort. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَهِيَ السَّوَاحِرِ تَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ السِّحْرِ وَأَهْلِهِ لِأَنَّ السِّحْرِ شَرٌ عَظِيمٌ. Donc tu cherches protection également contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. De celles qui soufflent sur les nœuds, c'est les sorcières, les sorciers, les gens qui font du sihr. Et c'est une sorte de sihr qu'ils font. Ils font des nœuds sur une corde, et sur le nœud, ils font une sorte d'incantation, et puis ils soufflent sur le nœud. Donc toi, tu cherches le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui font ces choses-là, ces pratiques de sorcellerie et de magie, hein, et contre les sorciers, et ainsi de suite. Parce que le sihr, la sorcellerie et la magie, c'est quelque chose qui est un grand mal. Donc tu demandes la protection d'Allah contre ces choses-là. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ الْحَاسِدُ هُوَ الَّذِي يَتَمَنَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا رَأَى عَلَى أَحَدِ النِّعْمَةِ فَإِنَّهُ يَغْتَاظُ ويتمنى زوال هذه النعمة حسدا وبغيا والعياذ بالله وهو من أعظم الخصال المذمومة لأن فيه اعتراضا على الله وفيه إساءة إلى الخلق ويدخل فيه العائن الذي يصيب بنظرته لأن الإصابة بالعين نوع من الحسد فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله فلا تستعذ بالله ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإذا استعنت فاستعن بالله. Le cheikh il dit, aussi tu cherches le refuge en Allah contre la jalousie contre le mal de celui qui est jaloux lorsqu'il t'envie. Tu cherches le refuge contre le mal de la personne qui est jalouse ou envieuse lorsqu'elle t'envie, lorsqu'elle est jalouse. Et al-hasid, c'est celui qui souhaite que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un lui soit enlevée. C'est celui qui souhaite que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un lui soit enlevée. Parce qu'il l'envie. Il souhaiterait que ce soit lui qui ait cette grâce. Donc si tu vois, si quelqu'un voit une grâce sur une autre, elle l'envie, ça le met en colère, il est jaloux. Il souhaite que cette grâce lui soit enlevée par jalousie, par envie. Hein? Et yani, ça c'est quelque chose de grave. Wal'iyazu billah, c'est parmi les caractéristiques les plus blâmables que quelqu'un peut posséder. Et c'est en même temps une forme d'objection à la prédestination d'Allah. Parce que c'est comme si tu t'objectais à ce que Allah avait prédestiné comme grâce pour quelqu'un. Tu vois que quelqu'un il a une grâce, puis toi tu l'envies cette grâce et tu souhaites qu'elle lui soit enlevée, c'est comme si tu n'es pas satisfait de la manière dont Allah a distribué sa grâce sur ses serviteurs. Et ça, c'est une sorte d'objection à la prédestination d'Allah, et c'est aussi un mauvais comportement envers les créatures. Et on peut. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaafar, comment ça va? Alhamdulillah. Donc, on peut aussi inclure dans cette catégorie la personne qui frappe les gens avec son œil. Celui qui frappe les gens avec son œil parce qu'il a de la jalousie dans le cœur. Donc, lorsqu'il a de la jalousie dans le cœur et que cela frappe une personne, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ayn, le mauvais œil. Et le mauvais œil, il est réel. C'est pas une superstition. C'est quelque chose qui est réel parce qu'il est mentionné dans les hadiths authentiques. Hein? Il est mentionné dans les hadiths authentiques. Al-ayn ou haqq, le mauvais œil, il est réel. Il existe. Donc, il peut même tuer quelqu'un. Il peut rendre malade. Il peut faire beaucoup de tort. Donc, ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui rentre dans la jalousie aussi. On peut l'inclure là-dedans. Et donc, c'est pour ça que cette sourate, Al-Falaq, il y a dedans une protection contre le mal, de beaucoup de choses qui sont mentionnées dedans. Et ça, c'est la preuve, donc, qu'est-ce qu'on a mentionné dans cette sourate? C'est la preuve que on doit demander le refuge à Allah contre tout le mal, hein, et contre yani tout ce qui est mauvais parmi les créatures. On le demande uniquement à Allah et on cherche le refuge uniquement à Allah dans ces choses-là. Ça, c'est une adoration. C'est une adoration et il n'est pas permis pour quelqu'un de faire cette adoration-là pour autre que Allah, comme les autres adorations aussi, c'est pas permis de les offrir à autre que à Allah. Donc tu cherches le refuge uniquement en Allah et non en les créatures. Et celui qui cherche le refuge en une créature, alors il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et si tu demandes la protection, alors demande la protection à Allah. Ou bien plutôt, si tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Et donc, on a déjà mentionné ce hadith. Après, hein? إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. الأربعون النووية لحديث ابن عباس. يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها. احفظ الله يحفظك. Et naam, ila akhir al hadith. Et naam. Donc le hadith, ensuite il mentionne l'autre verset, qul wa qawluhu ta'ala qul a'uzu bi rabbin nas, surat an-nas. Le cheikh dit wa fi qawlihi ta'ala qul a'uzu bi rabbin nas, malik an-nas, ilah an-nas, min shar al waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al jinnati wan nas. أمر الله به أو أمر الله عز وجل بالاستعادة برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه كلها أسماء وصفات لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc le cheikh il mentionne le verset الناس dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit je cherche refuge en le Seigneur des hommes, le maître des hommes, et celui que les hommes adorent, ilahun nas, contre le mal du conseiller furtif. Le conseiller furtif, celui qui fait le waswas, celui qui vient souffler dans l'âme, ou bien qui vient souffler à l'homme des mauvaises suggestions, des mauvaises choses, et puis qui s'en va par la suite. Hein? Naam. Donc, le conseiller furtif, celui qui vient souffler dans les poitrines de l'homme parmi les djinns et parmi les hommes. C'est le verset 1 à 6 dans Suratul An-Nas. Donc, le Cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de chercher le refuge en le Seigneur des hommes. Allah, il ordonne de chercher le refuge en le Seigneur des hommes, le Maître des hommes, le Roi des hommes, et Ilahun Nas, c'est-à-dire la divinité, celui que les hommes adorent. Et ce sont tous des noms et des attributs d'Allah. Et dans ces trois versets, il y a en même temps les trois catégories de tawhid. Rabb, Rabbun Nas, c'est tawhid al-Rububiyya. Malik al-Nas, tawhid al-Asma al-Sifat. Ilahun Nas, c'est tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Donc les trois catégories de tawhid sont mentionnées dans ce verset. Le tawhid de la souveraineté, le tawhid des noms et des attributs, et le tawhid de l'adoration. C'est-à-dire, il faut unifier Allah dans ces trois catégories-là pour que notre foi en Allah soit valable. Et ensuite, il dit Ista'ith billah bihadihi al-asma'i was-sifat. Wasta'ith billahi min sharri al-waswas wa huwa ash-shaytan. Amma al-waswas bil-kasra, bil-kasr, fa huwa masdar. فهو مصدر وسوس يوسوس وسواسا أما الوسواس فهذا هو اسم من أسماء الشيطان لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أموره وخصوصا في أمر العبادة فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة حتى يلبس عليه في صلاته أو عبادته ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة ويعتقد أنها بطلت أو يصلي ثم يعتقد أنه على غير وضوء أو أنه ما قام لكذا أو أنه ما فعل كذا ويصبح في وسواس ولا يطمئن إلى عبادته فالله جل وعلا أعطانا الدواء لهذا الخطر وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس. Donc le Cheikh il dit, on cherche le refuge en Allah par ses noms et par ses attributs. On cherche le refuge en Allah contre le mal de al-waswas. Al-waswas, c'est qui? C'est le shaitan. Al-waswas, c'est celui qui vient te souffler des idées ou des pensées ou des doutes, ou des shubuhat. Et on peut dire waswas ou on peut dire wiswas. Et le Cheikh, il dit, quand tu dis waswas, ça c'est le shaitan. Et si tu le dis avec le kasra, wiswas, ça c'est le mot. Le mot, c'est-à-dire la chose que le shaitan il fait. Oui, il vient te whisper en anglais, whisper, ou te souffler des pensées ou des idées. Donc, al-waswas avec la fatha, c'est un nom qui désigne le shaitan, celui qui vient faire l'acte, qui vient te souffler des pensées ou des idées ou des suggestions. Tandis que al-waswas, c'est l'acte lui-même. D'avoir des suggestions mauvaises ou des pensées mauvaises ou des choses comme ça. Et c'est le masdar, c'est le nom du verbe qui vient du verbe waswasa yuwaswisu waswasan. Mais al-waswas, c'est un des noms parmi les noms du shaitan. En principe, moi j'ai jamais entendu le waswas utilisé dans quelque chose de positif ou quelque chose de bien, parce que c'est le shaitan qui fait le waswas, c'est pas dans le bien. Peut-être que dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tout le monde il a un shaitan en lui excepté moi, dans le sens que même moi j'ai un shaitan avec moi, sauf que moi je l'ai dompté et maintenant il ne me suggère que le bien. Donc peut-être que dans ce cas là dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait dire que ça s'applique qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon en général, waswas, c'est quelque chose de négatif. Comme le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'il fait le shaitan? Il vient souffler et inspirer à l'homme des choses et lui faire imaginer des choses pour le distraire, hein, pour lui mettre la peur dans le cœur ou bien l'hésitation ou le doute dans ses affaires. Des fois, par exemple, tu vas aller pour faire ta prière. Au moment que tu arrives pour faire ta prière, juste avant, tu pensais à rien. Juste au moment où tu commences à faire le takbir, tout d'un coup, tu commences à penser à plein de choses que tu ne pensais pas auparavant. Ça, c'est le waswas du shaitan. Et le pire forme de waswas, c'est bien des waswas qui sont reliés à ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça, ça vient complètement te déranger dans ton adoration. Et à la fin, tu commences à prier, il te met tellement de doutes que ça t'amène même à un point où tu sors de ta prière parce que tu penses que ta prière est plus valable. Et ça, ça arrive. Il y a des gens qui ont cette maladie-là, c'est grave. C'est pas, yani, non, ça atteint un niveau d'exagération grave. Parfois, ça peut devenir très sérieux. Ça peut devenir un grand problème. Il y a des gens, yani, subhanallah, ils vont refaire 5 fois, 6 fois leur prière, 5 fois, 6 fois leur wudu, 5 fois, 6 fois leur rusul, ou même plus. Il y en a qui vont tellement recommencer, à la fin, ils sont fatigués, yani. Hein? Parce qu'ils ont des waswas du shaitan. Chaque fois ils font leur wudu, ils ont fini, ils arrivent pour faire la prière, ils disent, est-ce que j'ai lavé mon bras? Est-ce que j'ai lavé mon pied? Est-ce que j'ai laissé un espace? Est-ce que si et ça, ils recommencent son wudu encore? Il y a des gens, je les ai vus, déjà j'ai vu des gens qui avaient cette maladie. Subhanallah. Ça fait pitié en même temps quand tu vois la personne qui est atteinte de cette maladie-là. Il commence sa prière, il fait le takbir, il rentre dans la salat avec les mains, tu le vois, il ressort, il retourne faire le wudu alors qu'il a déjà fait 2-3 fois le wudu avant. Il ressort de sa prière. Après, qu'est-ce qui arrive? Il ressort quoi? À la fin, il revient, la prière est finie. Il a manqué la salat avec la jama'a à cause de ça. Ça, c'est des waswas du shaitan. Et ça, c'est quelque chose. Quand quelqu'un, il est affecté par ça, il se rend l'adoration très très difficile pour lui-même par la suite. Il y a des gens qui ont le waswas quand ils vont aux toilettes. Est-ce qu'ils se sont bien nettoyés? Tu vois qu'ils vont commencer à vérifier 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils vont sortir, ils vont retourner encore. Hein? Des fois, c'est dans le wudu qu'ils ont du waswas. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a mentionné ça en détail dans son livre Irasatul Lahfan, min masayid al-Shaytan. Il mentionne ces exemples de waswas des gens et il parle des remèdes et des solutions. Parmi les remèdes et les solutions, il y a de réciter Suratul Nas. Des fois, il y a des gens qui font la salat, ils savent pas, est-ce que j'ai fait le rukou, est-ce que j'ai pas fait le rukou? Est-ce que j'ai fait sujoud, est-ce que j'ai pas fait sujoud? Est-ce que j'ai fait 2 rakats ou 3 rakats? Hein? Il commence à avoir des doutes dans sa salat. Il finit sa salat et dit, subhanallah, est-ce que j'ai récité al-Fatiha? Est-ce que j'ai pas récité al-Fatiha? Quand quelqu'un, il commence à avoir trop de waswas comme ça, les ulama, ils ont dit, il doit pas se préoccuper de ces waswas. Il continue son affaire comme s'il l'a fait comme il faut. Il passe par-dessus complètement. Hein? C'est parce que ça atteint un niveau où là, c'est le shaitan qui essaie vraiment de lui faire des problèmes et de l'éloigner. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Ça, c'est le shaitan qui veut te donner des doutes dans ta religion. Hein? Et il faut donc faire attention pour pas être pris par ce genre de waswas. Parce qu'à la fin, t'as pas de tranquillité par rapport à ton adoration. Et le remède contre ce genre de maladie, c'est, par exemple, de réciter Suratul Nas, comme on l'a dit. Al-Khannas, hein, min sharri al-waswas al-Khannas. Al-Khannas, allazi yatakhallaf wa yabta'id. Fahuwa yuwaswisu idha غفلت عن ذكر الله ويخنس أي يتأخر إذا ذكرت الله فهو وسواس مع الغفلة أو نعم وسواس مع الغفلة وخناس عند ذكر الله. Donc الخناس, ça veut dire, c'est comme on a dit, la traduction dit le conseiller furtif, ça veut dire le conseiller, hein, qui s'enfuit et qui t'abandonne au moment où tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il dit, celui qui s'éloigne de toi et qui te laisse lorsque tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu es insouciant du rappel d'Allah et que tu oublies le rappel d'Allah, là il revient. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que lorsque le shaitan il entend le adhan, il part en courant, il part en vitesse et il fait des gaz pour ne pas entendre. À droite. Ouais, il fait des gaz forts avec du bruit. Oui. Parce qu'il y a deux formes de. Ouais, il y a deux termes en arabe. C'est ça. Donc, il fait ça, puis en même temps, le shaitan, il rapetisse. Lorsque tu te rappelles d'Allah, il devient petit. Et lorsque tu ne te rappelles pas d'Allah, il grossit. Subhanallah. Donc, il part, il fait du bruit, il s'en va parce qu'il entend l'adhan. Après, quand tu as fini, il revient. Tu vois? Donc c'est comme ça le shaitan. Donc le shaitan, l'insan est khazoula. Le shaitan est comme ça, il t'abandonne. Il ne reste pas là. Il t'encourage à faire le mal. Une fois que tu l'as fait, il dit, ah, c'est pas moi qui t'a forcé, c'est toi qui a voulu le faire. Il vient t'inspirer. Le mal. Donc al-khannas, c'est ça. Quand tu es insouciant d'Allah, il vient et te suggère le mal. Lorsque tu te rappelles d'Allah, il s'en va. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كأن المعنى والله أعلم أنه هناك موسوسون من الجن ومن الإنس يوسوسون للناس يأتون الناس ويشككونهم فكما أن للجن شياطين يوسوسون فكذلك للإنس شياطين يوسوسون فأنت تستعيذ بالله من شر القبيلين. Donc le cheikh il dit que celui qui inspire ou qui souffle dans les poitrines des hommes parmi les djinns et les hommes, c'est-à-dire on dirait que la signification, et Allah sait mieux, que comme le cheikh il dit que il y a des gens qui soufflent et qui suggèrent des choses aux hommes parmi les djinns et parmi les hommes. Donc, il y en a parmi les hommes qui inspirent et qui suggèrent des choses aux hommes. Ils viennent les hommes et ils viennent leur mettre des doutes. Et il y en a parmi les djinns et les shayatins qui font la même chose aussi. Donc, de la même manière qu'il y a des shayatins parmi les djinns, il y a des shayatins aussi parmi les hommes. Qui peuvent inspirer aux hommes du mal et des choses de ce genre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de chercher le refuge contre le mal de ces deux catégories-là. Il dit, « Wa lihada yaqulu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'awwaza ma ta'awwaza muta'awwizun bimithlihima. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad min hadithi Uqbat ibn Amir. » Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne n'a cherché refuge en quelque chose, en une chose par laquelle on cherche refuge, excepté quelque chose de meilleur que ces deux choses. C'est-à-dire que personne n'a cherché refuge en quelque chose par laquelle on cherche refuge, excepté en mentionnant ces deux-là, c'est-à-dire قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ce sont les deux meilleurs. Il y a des choses par lesquelles on cherche refuge en Allah contre le mal, et c'est pour ça qu'on les appelle al-mu'awwadhatan. Wa al-shaykh il dit hay'atain as-suratain fayanbaghi lil-muslim an yaqra'ahuma fi adbar as-salawat wa yukarrirhuma wa yaqra'ahuma 'inda an-nawmi ma'a ayati al-kursi wa surati al-ikhlas wa yaqra'u ayati al-kursi wa surati al-ikhlas wal-mu'awwadhatain ويقرأهما دبر كل صلاة ويكررهما ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر وكذلك يقرأهما عند النوم من أجل أن يبتعد عنه الشيطان فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام. Donc, le cheikh, il explique que ces deux sourates, le musulman, il doit toujours les réciter après chaque prière. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Et il les répète plusieurs fois. Et il les récite aussi au moment de dormir avec ayatul kursi. Et sourate al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Donc, il récite ces sourates-là après les prières et aussi avant de dormir. Et il récite Ayatul Kursi, Surat al-Ikhlas et Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Après chaque prière, comme on l'a dit, il les répète trois fois, après le Maghreb et après le Fajr. Et de même qu'avant de dormir, pour que le shaitan s'éloigne de lui et qu'il ne vienne pas lui gâcher sa nuit et son sommeil. Avec toutes sortes de cauchemars et des choses de ce genre. Le cheikh dit: Wa shahid min hatayn suratayn an Allah amara bil isti'adati bihi wahdahu. Fadalla ala anna l'isti'adha bi ghayrihi min al jinni aw min al ins aw min ayy makhluqin annahu la yajuz. Wa annahu naw'un min anwa' al ibadah. Le cheikh dit que qu'est-ce qu'on veut tirer comme compréhension de ces deux versets, et comme preuve, c'est que le fait de chercher le refuge, c'est uniquement en Allah que ça doit être, et c'est la preuve que de chercher le refuge en un djinn, ou un être humain, ou bien en une créature, ce n'est pas permis, et que c'est une forme parmi les formes d'adoration. Et il y a la dernière qu'on va faire aujourd'hui, qui est pas longue, inshallah, c'est al-istighatha. Il dit: wa dalil al-istighatha if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Sourate al-anfal, le verset 9. La preuve, c'est lorsque vous cherchiez le refuge en votre Seigneur et qu'il vous a exaucé. Donc le cheikh explique, le cheikh al-Fawzan, il dit al-istighatha. Donc al-istighatha, c'est نوع من انواع العباده وهي طلب الغوث وهي لا تكون الا عند الشده اذا وقع الانسان في شده فانه يطلب الغوث من الله والنجاه من هذه الشده. Donc al-istighatha, c'est de chercher, c'est une forme d'adoration parmi les différentes formes d'adoration. Et c'est de chercher le secours dans les moments de détresse. Et ça, c'est uniquement quelque chose qu'on doit rechercher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes de te sauver, de venir à ton secours. Le cheikh explique que, il dit, « وَالْاِسْتِغَاثَ عَلَى نَوْعَيْنِ » Le fait de chercher le refuge, le fait de demander le secours et d'appeler au secours, c'est de deux catégories. Une qui est shirk, akbar, et une qui est pas shirk. Comme la même chose pour al-isti'ana. Le cheikh il dit: al-naw' al-awwal, al-istighathatu bil-makhluq fima la yaqdiru alayhi illa Allah, azza wa jal, fa hadha shirk. Faman istighatha bighayrillah, min jinnin aw insin aw ghaibin, aw amwat, fa inna hadha shirkun billahi azza wa jal. فالاستغاثة بالأموات وبالغائبين من الشياطين والجن هذا شرك بالله عز وجل. والنوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه فهذا جائز. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Donc le cheikh il explique que al-istighatha, c'est de deux catégories. La première qui est le fait de chercher le secours d'une créature dans ce que seul Allah est capable de faire, que ça c'est du shirk. Donc celui qui demande le secours dans les moments de détresse, il demande, au lieu de demander à Allah, il demande à un djinn, il demande à un homme qui est absent ou qui est mort. Alors ça, c'est une forme de shirk en Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah. Et celui qui demande le secours aux morts et aux absents, ou au diable, au djinn, ça c'est du shirk. La deuxième catégorie, c'est de chercher le secours d'une créature qui est présente et qui est vivante dans ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est permis. Et on a l'exemple de Moussa, dans l'histoire de Moussa, lorsque, hein, il dit « فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ » C'est-à-dire, celui qui était parmi le peuple de Moussa, il lui a demandé secours contre celui qui était parmi ses ennemis. Donc ça, c'est la preuve que c'est permis. Que si tu demandes, tu appelles à l'aide ou au secours contre une créature dans ce qu'elle est capable de faire, ça, dans ce cas-là, c'est pas shirk. Ça, c'est permis. Comme par exemple, il y a un chien enragé qui vient t'attaquer, t'appelles quelqu'un à l'aide, ou un voleur qui rentre chez toi, tu appelles à l'aide, hein, tu appelles la police ou des choses comme ça, 911, ou bien quelqu'un dans la rue qui veut t'attaquer, tu appelles quelqu'un qui passe pour qu'il vienne t'aider, ça c'est pas du shirk. Mais si tu appelles un mort dans sa tombe, ou un prophète, ou un saint, tu lui dis, hein, tu dis, oh Mohamed, viens m'aider, ou tu dis, ya Tijani, ya Abdul Qadir, hein, ou bien tu dis, ya Hassan, ya Hussein, viens m'aider, ça c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Tu deviens un mushrik, un kafir, quand tu fais ça. Ya Ali, ya Hassan, ya Hussein, ya, hein, comme les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est du shirk avec Allah. Dans les choses, comme par exemple, comme on l'a dit, s'il y a un chien qui t'attaque, ou un voleur qui t'attaque dans la rue, et toi tu lui demandes, même un kafir, tu vas voir un mécréant de l'autre côté de la rue, toi tu es en train de te faire attaquer par quelqu'un, un musulman, mais qui est un mauvais, qui est un voleur, ou qui veut te faire du mal. Et tu vois l'autre côté de la rue, il y a un chrétien, ou un juif, ou un athée, ou un mécréant, un hindou, ou un bouddhiste, ou un, peu importe sa religion, tu le vois, il est l'autre côté de la rue. C'est un mouchrik, kafir, hein, mécréant. Sauf que lui, il est là, tu peux l'appeler à l'aide, tu dis, viens m'aider contre ce musulman qui te fait de l'injustice. Ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pour te sauver ta vie, pour te protéger. Ça, c'est un moment de détresse. Si quelqu'un, par exemple, toi, tu es en train de te noyer dans un lac, dans une rivière, puis il y a un mouchrik ou un kafir qui passe au bord de l'eau, est-ce que tu vas dire, non, je ne vais pas l'appeler à l'aide, lui, c'est un mouchrik ou c'est un kafir? Non. Ça, c'est des choses de la dunya, ça, c'est permis. Donc, si tu demandes à Jésus de te sauver, ou à Marie de te sauver comme font les chrétiens, ça, c'est du shirk akbar. Hein? Si tu demandes l'aide de Jésus ou de Marie, en dehors d'Allah, ça va être de l'idolâtrie. Parce que tu as associé avec Allah dans l'adoration. Tu n'as pas le droit de chercher le secours d'une créature dans ces choses-là. Mais si tu demandes l'aide, hein, d'un être humain qui est vivant, qui est de l'autre côté de la rue, ou qui est juste proche de toi, qui peut venir t'aider, ça c'est pas du shirk. Parce qu'il y a une différence entre le vivant et le mort, et entre l'absent et le présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant, il est le présent, il est celui qui est proche, hein, de nous. Mujibun, qaribun. Hein? Donc, si tu l'invoques, il va te répondre. Hein? Donc, on va s'arrêter ici. Naam. Naam. Bon, ça c'est une autre question qui a rapport avec Al-Aqida aussi, qu'on a expliqué dans le Kitab al-Tawhid. C'est quand tu mentionnes, par exemple, dans les expressions, dans les façons de parler, parfois on a l'habitude, on dit, ça c'est grâce à lui. Hein? J'ai réussi mon examen grâce à lui, donc grâce à ce prof. Hein? Ou j'ai eu cette voiture grâce à un tel frère. Hein? Ça, c'est pas correct, parce que toute la grâce, elle vient d'Allah. Donc, quand tu dis ça, il y a une façon pour le dire correct islamiquement, c'est que tu dis, hein, j'ai reçu cette chose par la grâce d'Allah, puis ensuite par la grâce de ce frère. Puis ensuite, parce qu'il faut qu'il y ait un décalage entre les deux pour qu'on sache qu'il n'y a pas d'égalité. Et quand tu dis par la grâce d'Allah et de ce frère, ça implique une sorte d'égalité entre les deux. Donc pour éliminer complètement cette idée d'égalité entre la créature et le créateur, on dit ensuite, pour qu'on sache qu'il y a un décalage, puis que c'est pas au même degré, c'est pas au même niveau. Grâce à l'aide d'Allah, puis d'un tel. Un arbre. Oui, même avec tout ce qu'on a eu comme grâce d'Allah, on l'attribue toujours à Allah en premier, puis à une autre, puis à une créature ensuite. Puis juste, hein? Thumma, ensuite, Aynam. Bifadlillah, thumma, tu ne dois pas demander à Allah par sa créature. Tu ne demandes pas à Allah par sa créature, ou par la grâce de sa créature, ou par le statut de sa créature, ou par le degré élevé de sa créature, par son prophète. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par lui seul. Seulement. Hein? Pas par sa créature. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de faveur. Personne n'a de droit sur lui. Et personne ne lui. Il ne doit de faveur à personne. Tu vois? Pour qu'on lui demande par quelqu'un. Tu comprends? Non, ça c'est pas correct. Ça c'est une bid'a. C'est contraire à la sunna de demander par quelqu'un ou par une créature ou par un prophète ou par un ange. Et non, même par un droit secret ou des choses comme ça. Et Cheikh l'Islam, notre ami, il a parlé de ça en détail dans son livre, Al-Istirata, Tawassul wal-Wasila et Al-Istirata aussi. Juste pour revenir sur le point, qu'est-ce que Jaafar il a dit par rapport à qu'est-ce qu'il mentionnait, même si ça n'a pas rapport avec le cours d'aujourd'hui, mais juste pour clarifier un petit point aussi, c'est que il y a des questions parfois qui sont arrivées dans certains pays, où certains pays musulmans, par exemple, ils ont demandé l'aide d'un pays mécréant contre un autre pays mécréant. Hein? Ouais, mais ça c'est dans des cas de nécessité. C'est si les ulama ont dit ça, c'est un cas de nécessité. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais il y en a des hizbiyins, des gens de bid'a et des takfiriyins qui ont utilisé ces exemples-là pour faire le takfir d'un pays musulman. Alors que eux, ils se permettent de le faire sans problème. Ils demandent toujours l'aide des kuffars et des mushrikins, tout le temps. Hein? Et ça, pour eux, c'est halal, c'est permis. Sauf quand c'est pour certains pays, là, ils veulent l'interdire. Hein? C'est parce qu'ils suivent leur passion, tu vois. Dernièrement, vous avez vu, par exemple, en Libye, ceux qui ont pris l'aide de l'OTAN et des choses comme ça contre leurs dirigeants. Malgré que, même s'il y a des fatwas des ulama qui ont mentionné, par exemple, que le dirigeant en question était peut-être mécréant depuis des années, ils avaient fait une fatwa parce qu'ils sont allés lui parler, ils lui ont établi les preuves contre lui, ainsi de suite. Donc ils ont établi par la suite qu'il n'était pas croyant. Toutefois, c'était pas quelque chose qui justifie nécessairement qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Mais bon, pourquoi je mentionne ça? C'est juste pour faire comprendre que maintenant, ils ont accueilli l'aide des koufars, hein, sans problème. Et ils ont dit, oui, ça c'est quelque chose, hein, ils se réjouissent de ça. Alors que ce sont des koufars, pourquoi ils ne disent pas dans ce cas-là qu'ils prennent l'aide des koufars et que ce n'est pas permis pour eux, hein? Donc ça c'est un exemple pourquoi ils font un poids, deux mesures. Je me souviens que quand il y avait eu des problèmes en Bosnie, il y a eu des grosses manifestations qui sont parties, des Ikhwan sont partis devant la Maison Blanche et devant l'immeuble des Nations Unies à New York pour demander l'intervention et l'aide des Nations Unies. Donc, dans ce cas-là, c'est permis de demander l'aide des koufars pour eux, mais pas permis pour d'autres. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est la limite? Et qui décide? Eux, ils ne se basent pas sur le kitab, ils ne se basent pas sur la sunna, ils ne se basent pas sur la sharia pour trancher dans ces questions-là. Ils se basent uniquement sur leur passion. Eux, ils ont le droit. Même maintenant, entre les Ikhwan à Montréal et en Europe et dans plein d'autres pays, ils sont en train de dire aux koufars, on est d'accord avec vous sur la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme, et ainsi de suite. Hein? Des choses qui sont en opposition totale avec l'islam. Ils disent, nous, on est d'accord avec vous là-dessus. Et hein, quand on demande l'aide des koufars dans des choses de la dunya, qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ne sont pas en contradiction avec l'islam, là, ils viennent pour nous dire, c'est pas correct, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est pour ça. Ça, c'est le langage des politiciens, des gens qui utilisent la religion pour satisfaire leurs objectifs et leurs intérêts politiques, et qui l'utilisent quand ça fait leur affaire, comme ça fait leur affaire, et non pas selon les principes et les règles de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, selon les principes et les fondements du Coran et de la Sunnah, selon la compréhension des salaf al-salih. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, puis on continuera demain avec le cours sur les fondements de la da'wah salafiyah. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on est arrivé au chapitre des takfiriyin. Non, c'est-à-dire les salafiyoun, le manhaj des salaf vis-à-vis de la fitna des néo-khawarij. C'est ça qu'on est en train de traiter en ce moment. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.